franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Isabelle conteste Paris. Jacques Chancel. Mon invité aujourd'hui, Isabelle, comtesse de Paris. Si la monarchie était rétablie, vous seriez madame reine de France. Alors, vous y pensez parfois ? Ça serait mon mari qui serait roi de France. Je serais son épouse. Est-ce que j'y pense ? Non, au fond, je n'y ai jamais vraiment pensé. Jamais ? Si, quelquefois, quand même, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Comment pourrais-je aider mon mari ? Comment pourrais-je rendre service à mon pays ? Enfin, ce sont ces hypothèses pas imaginatives. On ne sait jamais, les choses arrivent quelquefois sans qu'on y pense. Mais actuellement, ça me paraît loin de la situation, si on peut dire. Vous pourriez être une bonne républicaine quand même ? Moi, j'espère que je le suis. Je ne triche pas dans mes impôts, je ne triche pas, j'essaye de ne pas tricher, j'essaye de rendre service à mon pays, j'essaye de faire tout ce que l'on peut faire dans une bonne république bien équilibrée. Enfin, vous avez toujours trouvé très amusant de porter l'histoire, et je dois dire qu'il s'agit de l'histoire de France, et vous êtes la petite fille, enfin, ou l'arrière-arrière-petite fille, de Saint-Louis et d'Henri IV. Et je me demande si vous connaissez bien l'histoire. Vous l'avez bien appris, cette histoire, lorsque vous étiez enfant ? Oui, lorsque j'étais enfant, pensionnaire, d'abord à Notre-Dame de Sion, et puis j'ai également étudié beaucoup à la maison. L'histoire, évidemment, m'a intéressée. J'ai lu le plus possible, mais au fond, on ne la connaît jamais vraiment assez, l'histoire. C'est surtout la nôtre, et l'histoire européenne, l'histoire des autres pays, il y a tant de choses à apprendre. On est perpétuellement étonné. Dernièrement, j'ai lu le Frédéric II de Hohenstaufen de Benoît Méchain, mais j'ai appris des milliers de choses dans ce livre que j'ignorais et que j'aurais dû savoir. Oui, vous vous retrouvez quand même mieux que les autres dans toutes les branches royales. Voilà, je me retrouve très bien, et quand je lis un bon livre d'histoire, j'arrive à raccrocher les anecdotes par-ci, par-là, et c'est très agréable et très amusant. Êtes-vous parfaitement à l'aise dans cette époque ? Enfin, vos ancêtres. La nôtre ? Oui, vos ancêtres habitaient les palais. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus de royaume. Bon, avant d'habiter des palais, je ne pense pas qu'ils aient habité des monuments extraordinaires. Hugues Capet, je me demande où il avait bien pu percher, celui-là. Mais je pense... On vous dit parfois Madame Capet, non ? Non. Non. Non, non, quand même. Non, non, quand même pas. Ça pourra venir, on ne sait jamais. Ça vous vexerait ? Non. Au fond, non, parce que c'est vraiment la clé de voûte de notre famille. Nous sommes tous des Capétiens. Que ce soit des Bourbons Orléans, des Bourbons Vendôme, des Bourbons d'Espagne, des Bourbons... On descend tous de ce cher monsieur qui a eu une vie assez extraordinaire et qu'on connaît très mal, finalement. Mais il s'est battu partout, jusqu'à Saint-Valery, il a guerroyé dans tous les sens et il a très bien administré, surtout. C'est un bon administrateur. Enfin, vous avez eu, madame, un extraordinaire, ou plutôt une extraordinaire vie. C'est un vagabondage dans tous les siècles, d'abord, et un vagabondage dans le siècle, pour vous, personnellement. C'est aussi, il faut dire, une vie d'errance. À certaines années, une vie d'exil. 11 enfants. Aujourd'hui, 38 petits-enfants. Et un 39e qui s'annonce. Alors, quelle leçon tirez-vous de toutes ces années ? Vous avez pensé à certains moments que vous auriez pu conduire votre vie d'une manière un peu différente, car je veux dire que vous avez été très prise par la vie. D'abord, on pourrait dire qu'on vous a mariée. Non, ensuite, on ne m'a pas mariée. Pardon, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé d'épouser mon mari à 12 ans. Je l'avais décidé. Et puis, le temps a passé. Et alors, évidemment, les parents étaient ravis de cette solution. Mmh. Et ils ont poussé peut-être à la roue. Mais honnêtement, j'étais depuis toute jeune, le comte de Paris, avant d'être exilé, est venu nous voir à eux. J'avais 12 ans, lui avait 15 ans. Moi, j'ai trouvé qu'il était un prince merveilleux. Et il nous a fascinés avec toutes ces histoires sur le Maroc. Et puis le temps a passé, j'étais en pension et j'avais toujours cette idée en tête, je ne l'avais plus revue. Si, je l'ai revue quand j'avais un mariage en Italie. Je n'en parlais à personne, mais j'étais très vexée parce que toutes mes petites compagnes de pension étaient presque toutes monarchistes. Elles allaient acheter des cartes postales de la famille de France en exil, c'est-à-dire du duc et de la duchesse de Guise et du comte de Paris, jeune homme. Et dans les pupitres à côté de moi, je voyais un tas de photos du comte de Paris qui ne s'appelait que Henri de France à cette époque-là. Et moi, je n'osais pas mettre des photos de Henri de France dans mon pupitre. Mais vous n'auriez pas pu épouser un roturier? Si j'avais été amoureuse de lui, je l'aurais fait. Ah, ça, certainement. Parce que, non, je crois, je suis très passionnée et si j'aime quelqu'un, je l'aime avec ses défauts et ses qualités. Le mot roturier, je n'aime pas, mais... Il n'y en a pas d'autre. Non, mais... Pas égal de naissance, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'une autre... Lignée. D'une autre lignée ou d'une autre culture ou surtout d'une autre éducation. Parce que vous étiez quand même un peu prisonnière, vous étiez princesse Isabelle d'Orléans chez Bragance et vous apparteniez quand même à une famille où il y avait eu les empereurs du Brésil. Donc tout cela, ouais. ça fait un grand arbre. Vous trouvez, oui, mais je ne m'en sentais pas prisonnière. Je me sentais responsable. Je me suis toujours sentue responsable, même petite fille. J'étais responsable de mes frères et sœurs qui étaient mes cadets. Plus tard, j'étais responsable. Je me suis même souvent ressentue responsable de mon mari. Je me sens. C'est ce qui me rend peut-être un peu autoritaire. À force de se sentir responsable, on devient autoritaire. Il faut faire très attention. Alors, le prince charmant que vous avez connu il y a un certain nombre d'années, vous vous êtes marié en 1931, je crois. Oui. Il y a donc un peu plus de 50 ans. Oui. Ce prince charmant, aujourd'hui, comment le regardez-vous? Eh bien, je le regarde toujours comme un prince charmant, c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire. Parce que il est tellement intéressant, je ne m'ennuie jamais avec lui. Mais il est autant solitaire? Ah, il est très solitaire de caractère, il l'a toujours été. Heureusement que nous avons eu 11 enfants, ça a permis de mettre un peu de vie et de le sortir de son caractère très introverti. Et évidemment, toute cette marmaille a mis beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. Mais maintenant qu'ils sont tous mariés, je crois qu'il est très heureux de se replier sur lui-même, ce qui est un peu dommage, mais enfin, on ne refait pas les caractères. Alors, il y a votre père qui, lui, rassemblait toute la tribu au sifflet. Ça ne peut plus se passer que de cette manière aujourd'hui. Non. Quoique le comte de Paris, peut-être, à certains moments, aurait-il envie quand même de le faire un peu au sifflet, parfois même au clairon. Au Portugal, ça se faisait à la trompette et à la cloche. À la cloche. Je crois que j'ai l'esprit tribal bien plus développé que le comte de Paris. J'ai toujours regretté de ne pas dire certaines choses, par discrétion ou par timidité. Ou par obligation. Et par obligation. Et je n'ai jamais regretté ce que j'ai dit. J'ai peut-être dit des bêtises, mais tant pis, je n'en ai pas eu de remords. Tandis que j'ai souvent regretté de ne pas parler assez et de ne pas dire certaines choses à certaines personnes au bon moment, ne serait-ce que pour les aider. Ça arrive souvent, on voit quelqu'un dans l'ennui, dans le besoin, et on n'ose pas dire « faites ci ou faites ça, faites attention ». Et puis après, on se dit « au fond, j'aurais dû parler ». Oui, mais vous avez été quand même conduite dès l'enfance à ne plus vous étonner. C'est-à-dire, lorsque votre grand-père, par exemple, vous faisait visiter Versailles ou d'autres châteaux ou d'autres palais, vous y retrouviez un peu quand même de votre famille et vous disiez je suis chez moi partout. Et c'est quand oui. même parfois embarrassant. Alors, ça, vous avez raison. Au fond, peu de choses m'étonnent. Et vous allez trouver drôle ce que je vais vous dire. Moi-même, je m'étonne. Plus les années s'accumulent, plus je suis étonnée de moi-même et au fond, j'arrive à me demander ce que je me... À une époque, je croyais bien me comprendre. Et puis finalement, je crois que je me comprends très mal. Enfin, le comte de Paris, votre mari, a peut-être une rigueur que vous n'avez pas par rapport à l'étiquette. Oui, Henri est un rigoriste. Ouais. Henri est rigoureux pour tout, dans sa vie, dans ses opinions politiques, dans sa tradition familiale. C'est un homme de rigueur. Moi, je le suis un peu moins. Mais vous vivez mieux. Moi, je suis très heureuse comme je suis. Et en pensant justement à mon mari, je me demande, je ne crois pas qu'il soit malheureux, mais quelquefois, il aurait peut-être pu être plus heureux. Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais au fond, il a un caractère triste. Il est très consciencieux, très, très rigoriste. Et toujours pensant, évidemment, à ce qu'il est, à ce qu'il représente, c'est très difficile de se dire « je suis responsable ». Alors lui aussi se sent responsable. Il se sent responsable de s'aligner. Et alors, ça, c'est aussi un problème. Enfin, on lui avait fait un jour la promesse d'une succession. Enfin, nous en avons déjà parlé avec lui. Oui. L'histoire en a parlé, la presse en a parlé. Il y a cru, et vous y avez cru, vous ? Écoutez, pendant 40 ans... Lorsque le général de Gaulle le voyait. Oui, pendant 40 ans de notre vie de jeune, de mariée, enfin, il y a 40, ça va faire 50 ans que nous sommes mariés, ça fait 50 ans. Mais pendant, mettons, 40 ans, jusqu'à la mort du général de Gaulle, il n'a pensé et travaillé que pour la France et son pays, et rendre service et sauver ce qu'il y avait à sauver. Et alors évidemment, j'ai l'impression que maintenant c'est un homme qui est... C'est terrible de travailler pendant 40 années d'une vie quelque chose et de voir que finalement ça n'a abouti à rien, ou à pas grand-chose. Avec le temps et le futur, je pense que l'histoire lui donnera raison d'avoir fait ce qu'il a fait, parce qu'il a fait beaucoup. Mais maintenant, c'est parti en poussière. Et c'est ça ce qui est terrible. Oui, mais le comte de Paris, votre mari, a fait parler de lui pendant toute cette époque. Peut-on dire que vos enfants feront parler d'eux à leur tour ? C'est peut-être une inquiétude qu'il a et que vous avez. Oui, mais ça, c'est notre inquiétude à tous les deux. C'est notre inquiétude parce que quelques-uns de mes enfants, pas tous, disent « Oui, mais papa est un personnage tellement extraordinaire, il nous a écrasés. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Le prince n'a jamais écrasé ses enfants. Mais quelques-uns de ses fils, surtout, avaient terriblement envie de lui ressembler. Or, on ne peut jamais ressembler à quelqu'un, absolument. Et surtout, quand c'est un personnage aussi extraordinaire et aussi fort que le prince, on ne peut pas, des fils ne peuvent pas dire « je veux ressembler à papa, c'est pas possible ». Alors, c'est un peu de paresse chez eux de vouloir copier au lieu de vouloir être eux-mêmes parfaitement dans la tradition de la famille. C'est ça ce que nous leur reprochons et que nous regrettons qu'ils ne soient pas pour quelques-uns. Quelques-uns sont comme ça, pas tous, heureusement. Alors, on disait tout à l'heure, Isabelle Comtesse de Paris, qu'il y avait eu cet époux que vous avez reconnu très jeune, il y avait eu ce mariage, et puis il y avait eu quand même cette rigueur. Et là, j'ai quelques mots que vous donnez par rapport au premier jour du mariage. Imaginez que nous n'étions pas rentrés de voyage de noces depuis plus de 48 heures, que le soir, au moment d'aller nous coucher, je tombe sur un papier épinglé sur le mur au-dessus de ma table de nuit. C'était mon horaire. Levé à telle heure, Sainte-Messe, tel jour, telle heure, promenade à cheval, tel jour, telle heure, visite de musée, tel jour de leçon de français, tel autre jour mon orthographe. C'est-à-dire qu'il vous avait fait tout votre plan. C'est pas possible, ça. Mais si, c'est tellement possible, c'est tout à fait vrai. Et vous avez dit oui, vous avez suivi. Non, j'ai piqué une colère monstrueuse. Et j'ai tout déchiré, le pauvre était tout à fait navré. Parce qu'évidemment, j'avais 18 ans quand je me suis mariée. 19 ans à peine 19 ans. Et il y avait beaucoup de choses à perfectionner. Et je vous dis, c'est un perfectionniste, un rigoriste perfectionniste. Il trouvait qu'il fallait que sa femme soit parfaite. Ça partait d'un bon sentiment. Mais enfin, moi, je ne l'ai pas entendu comme ça sur le moment même. Et vraiment, je me suis mis en colère. C'était terrible. Et je vois encore sa figure toute déçue en me voyant déchirer en petits morceaux son joli programme écrit avec son écriture minutieuse, avec des traits tirés... Enfin, nous sommes juste le contraire, l'un et l'autre. Et vous ajoutez, mon pauvre mari se rendait vite compte qu'être l'époux d'une femme telle que moi n'était pas de tout repos. Et oui. Je crois que c'est vrai, ça. Hein. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, le pauvre. Parce que je suis plutôt un peu la dynamite à côté d'un homme sage. Et il a eu beaucoup de... Non, mais j'ai bien joué le jeu. J'ai quand même été une épouse obéissante, sage. Enfin, j'ai fait des gros efforts. Parfois, sûrement, vous avez été dans l'obligation de vous taire. Oui, souvent. De dire, attention, comme le comte de Paris, lui, il estime que le silence est d'or, hein, qu'il c'est a ça. Le goût du secret, oui. Et que vous êtes peut-être, vous, un peu trop bavarde. Oui, ça, hein, c'est vrai. Il y a une divergence notoire, là. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut se surveiller. Oui, tout le temps. Anne, bon, vous avez eu un beau métier, vous êtes mère. 11 enfants. Ah, ça, c'est passionnant. Oui, mais... C'est merveilleux, c'est passionnant. Mais quand je les ai eus, j'étais très jeune et au fond, je suis très étonnée de les avoir eus. Là aussi, ça m'étonne. Mais vous les avez voulu? Bon, non, quand... Est-ce que je les ai... Je ne pensais pas que j'en aurais autant. Si peut-être quand j'étais petite fille, je me disais toujours, je voudrais avoir 12 enfants. Ça, je me le suis dit, je me souviens. Et je voulais avoir une maison comme si... Enfin, je faisais beaucoup de plans quand j'étais petite sur mon avenir. Je ne sais pas tout réaliser, mais quelques-uns sont réalisés, entre autres le nombre des enfants. Et quand on est, surtout quand on a été élevé comme j'ai été élevée, où une fois qu'on est marié, c'est pour la vie, et puis la femme a toujours, malgré les féministes, il n'y a pas l'ombre d'un doute que si quelqu'un n'obéit pas dans le ménage, c'est le désordre. Il faut bien que quelqu'un obéisse, et comme lui ne veut pas obéir, alors c'est à moi d'obéir. Vous le regardez comment, le mouvement féministe, au fait? Il m'agace. Il m'agace parce qu'au fond, il a toujours existé sans toutes ses paroles et ses réclames et ses affiches. Regardez toutes les femmes célèbres de notre histoire. Regardez les femmes du Moyen-Âge, elles n'étaient pas libres. Après la Révolution française et le stupide 19e siècle qui a rendu les femmes tout à fait empotées. C'est vrai. C'est vraiment le mot empotées. Et vous pensez dans leur confiture. Vous n'allez pas me dire quand même qu'elles sont empotées aujourd'hui? Ah non, mais justement, elles se réveillent. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tellement en parler. C'est très normal. Ce qui n'était pas normal, c'était la manière dont elles ont vécu au siècle dernier. Et ça, je trouve ça pas du tout normal. Tandis que maintenant, elles vivent très normalement. Celles qui ont envie, il y en a beaucoup qui sont paresseuses et qui sont ravies que tout soit tracé, qu'elles soient sur des rails jusqu'à la fin de leur vie. Mais madame, cette époque, vous la vivez complètement. Parce moi, que oui, vous avez vraiment. Des enfants un peu partout dans le monde, vous allez les voir, vous les visitez. Alors, vous regardez la violence, vous êtes étonnée par ce qui se passe aujourd'hui, ou vous, au contraire, vous n'êtes pas du tout surprise? Non, je suis affolée et assez épouvantée, car nous vivons une époque tellement décadente, où nous sommes sur une planche glissante, qui nous amène vers on ne sait où, et je ne vois pas comment on peut en sortir. C'est vraiment moralement, religieusement, politiquement, économiquement, mais tout est déliquescent. Et malgré les bonnes volontés, il y a beaucoup de bonnes volontés dans le monde, ne serait-ce que Wałęsa dans sa Pologne, ne serait-ce que certains hommes politiques, mais ils ont beau vouloir organiser, parler... Comment voulez-vous qu'on arrive à refaire quelque chose de neuf et de bien avec la pourriture dans laquelle nous sommes? C'est vous dites ça, pourriture. Moi, je dis carrément pourriture. Alors, évidemment, il y a mille bonnes volontés, mille choses merveilleuses. Je vous parlais du congrès eucharistique de Lourdes, c'était extraordinaire. J'étais à la messe pour les Polonais à Notre-Dame, c'était extraordinaire. Je connais des quantités de jeunes qui font des choses merveilleuses, qui s'occupent de leurs prochains, c'est un mot qu'on ne dit plus en parenthèse. C'est vrai, et des jeunes qui s'occupent d'enfants handicapés, ma petite fille Marie en est une, justement. Il y a mille choses merveilleuses, mais ce sont des petits îlots qui n'arrivent pas à se rejoindre, et je ne vois pas comment on va s'en sortir, honnêtement. Mais comment avez-vous approché le malheur, madame? Il y a eu la mort de votre fils François, il y a la naissance de ces enfants handicapés... Vous l'avez pris alors, comme un choc. La mort de mon fils François, ça a été vraiment pour le prince et pour moi, vraiment, ça c'était vraiment l'épreuve, la vraie épreuve. Ouais. Ça c'est... Il y a beaucoup de familles qui ont eu des épreuves pareilles et je pense à elles. Et souvent, en pensant à François, moi je prie pour ceux qui ont perdu leurs enfants également. Parce que François est mort... Si on peut dire glorieusement, c'est beaucoup dire. Si, glorieusement, il est mort en rendant service. Lieutenant en Algérie. Non, oui, en rendant service. Et il y en a tellement qui meurent stupidement sur une route. Ça, je trouve ça horrible. Pour les parents. De toute façon, une mort est horrible. Mais ça, c'est affreux. Alors, mes petits-enfants, les deux handicapés, moi, je les adore. Et je m'entends surtout bien avec le petit François. Le petit François et moi, nous faisons une paire d'amis. Oui. Et au fond... C'est une épreuve, alors je vais vous dire, c'est surtout une épreuve pour le prince et pour les hommes de la famille à cause du droit d'héritage, à cause du pas le droit d'aînesse, mais enfin à cause... Du droit de succession. Du droit de succession, de l'aînesse. Alors ça, pour le prince et pour mon fils aîné, c'est une épreuve terrible. Mais pour une femme, c'est pas une épreuve si épouvantable, parce que d'abord, ils sont adorables, je m'entends bien avec, ils passent des vacances avec moi, surtout François. C'est un être exquis, c'est un être charmant, c'est un être adorable, qui n'est pas du tout, j'allais dire un mot horrible, qui n'est pas gênant dans une maison, il rend service, mais évidemment, il ne pourra jamais avoir un rôle politique, jamais, jamais, jamais. Alors évidemment, c'est horrible pour mon mari et pour mon fils aîné. Mais pour moi, la grand-mère, je le traite comme mes autres petits-enfants. Il n'est pas différent. Il n'est pas différent, mais ça me fait de la peine pour mon mari et pour mon fils, mais pas pour moi. Mais il devrait le comprendre. Qui ? Votre mari et votre fils. Je crois qu'ils le comprennent, ils savent que je m'entends très bien avec le petit François. Mais au point de vue politique, je ne sais pas si... Les hommes ont une manière de souffrir tellement différente que les femmes. Je crois qu'au fond, je crois qu'ils souffrent plus. Je crois qu'il faut donner quand même un petit point d'explication qui pourrait être dans votre famille un point d'histoire. Le comte de Paris a des enfants, comme vous. Vous avez les mêmes. Il y a un héritier, qui est le dauphin, qui est le comte de Clermont. Le comte de Clermont a des enfants... Mon fils aîné, oui. Ouais, qui a des enfants handicapés. Et ça n'est pas le fils aîné de votre fils qui est en droit de succession. Voilà. Et voilà, c'est tout le cela problème. Pose problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème, comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une question purement morale. Alors, évidemment, vis-à-vis de la vie moderne actuelle, et vis-à-vis d'un monsieur Durand-Dupont, ça ne pose pas de problème d'hérédité, de succession. Mais pour un prince de la Maison de France, c'est une complication morale, politique, mais purement intellectuel actuellement. C'est purement, c'est du domaine, du raisonnement abstrait. C'est pas un problème matériel. C'est un problème abstrait. Et alors, nous ne sommes pas en monarchie. Je ne vois pas pourquoi le prince et son fils se tracassent tellement. Et vous, la mère, vous, la grand-mère, vous seriez tentée de dire arrêtons ces histoires, voilà. Ce sont des enfants. Ce sont et des puis enfants. La succession, que... qu'importe. La succession, elle arrivera quand même. Parce qu'il pourrait très bien même que si j'avais eu un petit-fils tout à fait remarquable qui se fasse moine, le problème aurait été le même. Ça aurait été le second qui aurait hérité. Et justement, il n'y a pas de moine dans la famille. Ben non, on n'a que saint, mais pas de moine. Il y a Félix de Valois. Saint Félix de Valois était un religieux. Oui. C'est le seul, je crois. Les autres, c'est tous des... Il y a quand même quelques saints. Vous êtes, Isabelle, comtesse de Paris, vous êtes contente du chemin parcouru par vos enfants ? Au contraire, vous êtes un peu déçue, vous attendiez à beaucoup mieux. Je suis... Bon, le chemin parcouru par mes filles, parfait. Elles sont toutes bien mariées, elles ont toutes beaucoup de caractère, elles mènent leur barque très bien. Le chemin parcouru par mes deux jumeaux est parfait. Ils sont bien mariés, ils mènent bien leur barque, tout va bien. Le chemin parcouru par l'aîné et par le cadet, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux et ça me fait de la peine parce qu'ils sont très intelligents tous les deux. Mais je me demande, je crois qu'ils ont visé trop haut. Au lieu d'être eux-mêmes, ils ont visé trop haut. Ils voulaient tous les deux être comme leur père, c'est ce que je disais au début. De toute façon, on n'est pas tellement réplique absolue de son père ou de sa mère. Il y a un doux mélange de caractère, de faiblesse. Mais c'est la vie qui est difficile. C'est la vie qui est difficile. Et ces deux enfants... Ils sont comme les autres, partout. Ces deux enfants, je crois, ont visé trop haut. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu, au fond. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont déçus eux-mêmes, vous savez. C'est ça, le triste. Et vous ne pensez pas qu'à un certain moment, Thibault a été un peu abandonné ? Par qui ? Alors ça, c'est une histoire vraiment fausse. Parce que Thibault, c'était l'enfant chéri du prince. Et Thibault, on a tout fait pour lui. Non, c'est lui qui nous a abandonnés. C'est pas nous. A-t-il fait une faute ? Il n'a pas fait de faute, il est parti. Il est parti, son père lui avait organisé des études remarquables en Amérique, il a tout jeté aux orties. Son mariage nous a pas enchantés, mais enfin. Mais qu'importe, il est heureux. Mais alors on retombe dans les. Non, mais je suis d'accord, il est heureux. Ben, puisqu'il est heureux, on l'a pas abandonné. Vous dites qu'on l'a abandonné. Non, dans l'épreuve qu'il a vécue. Mais quelle épreuve ? Ah, la dernière? Ah non, alors ça, on ne l'a pas abandonné. On s'est trotté là-bas 36 fois, et mais évidemment, la presse n'en a pas parlé. Quand la presse ne parle pas des choses, on croit que ça n'existe pas. Mais vous êtes là pour le dire, lorsqu'il était... C'est lorsqu'il était dans votre vie, lorsqu'il était dans sa prison, non. À Pau? Non, cela fait partie également des ennuis d'une vie. Voilà. Oui. Si vous lisez l'histoire, nous en avons eu bien d'autres en prison pour bien plus. Oui. Parce que lui, évidemment, c'était pour rien. Et alors là, je me disais aussi, je lui ai envoyé des bouquins, je lui ai envoyé les évangiles à lire, j'espère qu'il les a lus, je me suis dit, il va en profiter. Peut-être il aurait eu quelques romans policiers, ça aurait été mieux. Mais il les a eus aussi, il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu, mais j'espérais justement, je me dis, voilà, je lui ai écrit, profites-en, fortifie ton caractère, instruis-toi, pour une fois, tu as la chance de rester tranquille. Non, je ne l'ai pas abandonné une minute, ça c'est pas vrai. Je vous vois, madame, très, très accrochée à votre foi et à certaines valeurs, qui sont les vraies valeurs d'ailleurs. Oui, je le suis vraiment. Je ne suis pas accrochée, Attachée, disons. Non, j'ai l'impression d'être dedans. Dedans. C'est comme l'air que je respire. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, mais... Je ne peux pas m'imaginer vivant autrement qu'avec cette espèce de... Pas une carapace, c'est trop dur, c'est parce que c'est très souple, ma foi est assez souple, je dois dire. Ma pratique est souple, ma foi n'est pas souple. Mais je ne me vois pas vivant sans avoir perpétuellement dans le fond de ma cervelle ou de mon cœur l'idée de Dieu, du Créateur, d'une vie spirituelle, de la vie des saints. Ça fait partie de moi comme le sang dans mon corps. C'est assez inexplicable, et c'est dû à notre éducation et c'est dû à une grande grâce, je crois. Nous le disions tout à l'heure, il y a l'épouse, il y a la mère, et il y a la femme libre aujourd'hui. Et la liberté, ça se gagne. Et oui. Il faut combattre pour elle. Il faut combattre, et c'est ce que je disais à mes enfants. Beaucoup me disent tout le temps, « Ah, mais nous voulons vivre libre. » Moi, c'est ce que j'ai dit à Thibault quand il était à Pau. Je lui ai dit, « Écoute Thibault, c'est pas une question de quatre murs, la liberté. La liberté, c'est dans son cœur et dans son âme. On peut être libre, ficelé, et on est libre. » C'est une question de volonté, de caractère, d'idéologie et de foi. De foi. On est libre quand on a la foi. Mais j'ai cru comprendre, madame, que quand même vous étiez aussi attachée à ce qui fait l'organisation propre de votre famille. Parce que j'ai cru comprendre, parlant de Thibault, que vous n'étiez pas tellement satisfaite de son mariage, donc vous ne pourriez pas s'accepter que l'un de vos enfants puisse épouser une roturière. Je vais vous dire, c'est pas une question de roturière, c'est une question d'éducation. D'éducation et de milieu. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que nous étions effrayés de voir combien cette belle fille est différente de nous, par son éducation. Par son éducation, son atavisme et ses traditions. Elle ne réagit pas du tout comme nous. Et c'est ça l'effrayant. Alors bon, mon fils s'en accommode, il est très heureux. Je suis ravie. Mais les rapports de famille sont compliqués. Parce qu'il y a des choses elle-même qu'elle ne comprend pas chez nous. Qu'elle ne comprend pas du tout. C'est peut-être difficile aussi une famille comme la vôtre. Oui, c'est évident. C'est évident, c'est pour ça que les mariages sont quand même importants pour que le bloc familial ne se dissocie pas. Mais on peut dire que Marion, dans cette affaire, a été remarquable. Très. Oui. On peut le dire. Oui, elle a été. Je l'ai rencontrée souvent dans ces moments-là. Bon, c'est autre. Je voudrais vous parler du sang bleu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... Ah, sang bleu. C'est une mystique, non? Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Je crois que c'est la tradition. C'est un peu ce que je vous disais sur la foi. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel on est né, on est imprégné, et on l'a et on ne peut pas l'enlever. Parce que même ceux parmi nous qui font des choses qui ne sont pas dans notre tradition, ou qui sont à côté, ou qui ont quelques bévues, ou quelques maladresses, eh bien je suis sûre qu'eux-mêmes ne sont pas heureux dans leur peau quand ils font ce qui ne doit pas être fait. Et je crois que c'est ça le sang bleu. Parce qu'un paysan a son sang bleu lui aussi. Et un bon ouvrier qui est de père en fils dans un métier, qui aime son métier, il a son sang bleu lui aussi. Moi, je crois que c'est une question d'atmosphère familiale et de tradition familiale. Alors, de quel pays êtes-vous, madame? Parce qu'il y a la Bohème, par votre mère, il y a le Portugal. Le Brésil. Le Brésil. Alors, la France. C'est vrai que vous allez me répondre que nous sommes du pays où nous sommes. Un peu de sang allemand aussi. Oui, ah, oui. C'est russe. Oui, tchèque surtout, oui, de tchèque, Bohème. Oui, ouais. Non, de Russie, nous n'avons pas de sang. Non, rien de Russie. Non, c'est les Wurtemberg qui en ont. Oui. La Wurtemberg par personne interposée, alors. Oui, par mariage. Oui. Oui, nous autres. Non, je me sens terriblement française. Je suis née à Eu, ma chère petite ville d'Eu. J'y ai vécu jusqu'à mon mariage. Depuis l'abrogation de la loi d'exil, je retourne souvent à Eu. Je m'occupe beaucoup de ma ville que j'aime. Et les habitants de la ville me le rendent bien. Vous êtes deux. Je suis deux. Eu. Une eudoise, comme on dit. Alors, évidemment, quand on est né quelque part et qu'on y a vécu toute sa vie, de toute façon, on aime son terroir. Et ce terroir, en plus, pour moi, se double d'une tradition millénaire. Parce que, d'abord, en plus, il y a toujours eu des Capétiens à la ville d'Eu, c'est curieux. Depuis même Mathilde de Flandre, la femme de Guillaume le Conquérant, était une nièce d'Henri Ier, roi de France. Alors vous voyez, il y a toujours eu un peu de sang capétien dans la ville d'Eu. Et les gens de la ville d'Eu s'en rendent compte. Et au fond, ils nous aiment beaucoup. Et je suis comme dans une famille là-bas. Alors ça, c'est mon petit terroir. Alors revenons à la France. Eh bien, la France, fatalement, j'ai quand même une grosse partie, à peu près 50% de sang français, quand même. La moitié. Quoi. Malgré tous les mélanges, tous les sangs, ça finit par faire une bonne soupe. On a beau amener des choses de partout, c'est vraiment un bon potage. Et quand les choses sont bonnes, ça donne un bon résultat. Et dans le même temps, vous dites, nous sommes tous fiers de notre Brésil, et je le considère, quant à moi, comme ma seconde patrie. Ah, mais oui. Le prince, le comte de Paris, votre mari, ne le pense pas de la non, même non, manière. Lui, c'est non. Le Maroc. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il a été élevé au Maroc et qu'il y a vécu comme enfant. Je crois que... Et Pierre-Laure Henry est un méditerranéen. Il aime le soleil, il aime le sud, il aime les plaines. Puis il pense aussi peut-être qu'à un certain moment, la liberté n'a pas été totale au Brésil. Pour lui? Non, pour les autres. Quels autres? Les autres, à un certain moment, le Brésil n'était pas un pays de totale liberté, quand même. Les choses ont beaucoup changé. Ah oui, vous parlez au point de vue politique, actuellement? Ah oui. Écoutez, pas plus qu'ailleurs. J'en avais parlé avec lui, vous savez. Oui, mais il n'aime pas beaucoup le Brésil, lui. Il n'a jamais compris. Et au contraire, c'est un pays où on a une liberté incroyable, bien plus que dans tous les autres pays, ce qu'on dit des Amériques, qu'elles soient du Nord ou du Sud. Le Brésil, le Brésilien est un être extraordinairement indépendant et libre. Et lorsqu'on lui donne l'occasion d'être libre. Mais je crois que ça c'est... Pardon, franchement, je crois que ce n'est pas pire qu'ailleurs. Là, vous allez commencer à me... Je vous excite, là. Oui, vous m'excitez. Vous agace. Mais oui, parce que en France, on s'imagine toujours que le Brésil est un pays totalitaire épouvantable. On a parlé des martyrs, des gens en prison, des gens persécutés dans leurs idéologies politiques. Bon, écoutez, chez nous, on est autant, hein. Si on voit nos prisons, c'est pas mieux qu'ailleurs. Et les celles du Brésil ne sont pas pires qu'ailleurs. Alors évidemment, c'est un pays immense. De temps en temps, il y a quelques bavures par-ci, par-là. Mais c'est pas général. Ça, c'est un fait. Et quant à la liberté, alors, qu'est-ce qui a été en prison? Moi, j'ai connu un prêtre français, il y a déjà 20 ans de ça, qui est allé au Brésil pour faire une petite révolution dans une région sous prétexte que les gens étaient très malheureux, etc. Bon, on l'a mis en prison. Il en est sorti au bout de 6 mois, puis je l'ai vu après. Et puis, il a réfléchi, et il est resté au Brésil, il a eu sa prison, puis il est resté là-bas, il a continué à faire de l'apostolat. Et puis finalement, il est devenu encore plus brésilien que les autres. Il a dit « j'ai eu bien tort de m'exciter parce qu'ils sont au fond très heureux ». Lui-même m'a dit qu'il a eu tort de s'être excité de la manière dont il... Il ne faut pas s'exciter au Brésil en voulant... On ne va pas trop parler du Brésil parce que là, cela mériterait ou de ces pays-là. Je dois dire qu'au Brésil, bien des choses ont changé. Hein. Oui, de toute façon, ils ont une mauvaise économie. Ça, c'est un fait et ça va mal. Mais ce serait une émission complète. Mais vous avez dit qu'en France, ça n'était pas mieux. Et j'en reviens au comte de Paris. Est-ce que vous pouvez penser vous-même? Bon, le comte de Paris était l'ami du général de Gaulle. Il a aimé Georges Pompidou. Il n'a pas du tout aimé Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas quelle est votre position, vous. Quel est votre sentiment par rapport à la politique, par rapport au président Giscard d'Estaing, au président Mitterrand? Vous les regardez comment? Ou bien alors vraiment ça, non, je les regarde ça ne beaucoup. Vous regarde pas. Je les regarde beaucoup. Je les étudie. Je vois souvent leurs défauts, leurs qualités. Chacun en ont, ils en ont évidemment. Mais je trouve qu'actuellement les qualités, il faut les chercher à la loupe. Et surtout pas les qualités de caractère, mais les qualités politiques, les objectifs politiques, la manière dont sont appliquées les lois et certaines lois. Je dois dire que je ne suis pas rassurée. Sur l'avenir du monde. L'avenir du monde et l'avenir de la France en particulier. Vous n'êtes pas de cet avis, vous ? Si on vous disait, faites votre choix, désignez le président de la République, vous choisiriez qui ? Ben justement. Justement, vous n'avez personne en tête ? Non. Ah. Justement, c'est ça le drame, c'est qu'au fond, nous avons actuellement toute une série de personnages que nous connaissons depuis 50 ans. Et des jeunes, on n'en voit pas beaucoup. Et c'est ça ce qui manque. Et je crois que les jeunes ont peur de se compromettre dans cette pagaille. Je me demande si c'est pas ça. Et puis alors les jeunes, qui sont très très bien en général, sont mariés, gagnent leur vie pour leurs femmes et leurs enfants. Or la politique, ça coûte très cher. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure. Et c'est ça ce que je regrette, parce que nous avons des jeunes parfaits en France. Alors bon, il y en a beaucoup qui sont maires de leur village, conseillers généraux, quelques sénateurs. Personne n'ose se compromettre à rentrer réellement dans une bagarre qui finira par être violente. Vous auriez 20 ans aujourd'hui, Isabelle, comtesse de Paris. Vous vous lanceriez dans la bagarre, comme vous dites ? Ah oui, tout de suite. Ah oh, tout de suite. Alors, sous quelle cocarde ? Ben, je commencerai d'abord par mon département. Conseillère régionaliste, générale. Régionaliste. Hein, oui, oui. Oui, oui, au fond, oui. Au fond, oui, d'un régionalisme modéré. Mais je comprends qu'on aime sa province et que sa province représente quelque chose de beaucoup plus tangible et que l'on arrive mieux à comprendre et à expliquer, quitte à l'intégrer d'une façon intelligente dans le pays, c'est ce qu'il faut. Mais la province en soi représente quand même beaucoup de force en France. Chaque province, si elle était bien dirigée et bien menée. Mais je ne suis pas pour l'autonomisme, loin du tout. Alors il y a eu un premier livre, comme je le disais tout à l'heure, puisque maintenant vous êtes écrivain et que vous avez choisi votre liberté, Tous mes bonheurs. Puis il y a ce second ouvrage, Les chemins creux. Et là, vous dites, ma vie est un de ces chemins creux. Depuis longtemps, elle s'enfonce chaque jour un peu dans la terre. Souvent, le sillon se resserre et m'étouffe. Peines et douleurs, c'est souvent cela, ma vie. C'est toute vie, mais on a l'impression que cette fois-ci, il y a un peu plus de pessimisme qu'hier. Moi, je pensais toujours qu'en étant grand-mère, je resterais au coin du feu à faire de la tapisserie. Ben, je suis loin du compte, parce qu'il faut courir par-ci, aider celui-ci, soutenir celui-là. Un fils qui est dans le besoin, un autre qui a besoin de conseils. Tout ça, ça vous resserre dans votre chemin. On ne peut pas s'égayer dans des plaines fleuries. Mais je me demande, madame, si vous n'auriez pas fait autant de bêtises que vos enfants. Et j'en veux pour preuve cette phrase. Vous écrivez « En matière d'éducation, j'apprécie la discipline et l'observance de certaines règles, mais j'ai horreur de toute forme d'oppression et, dans le fond, je suis ravi quand j'apprends que l'esprit d'indépendance de mes enfants les a conduits sur des chemins que je n'aurais pas osé leur faire prendre moi-même. » Vous vous réjouissez même parfois de leur fantaisie ou je dirais même de leur folie. Oh oui, c'est-à-dire oui. Du côté déraisonnable de leurs actes. Oui, ça au fond, dans le fond de moi-même, ouais. Je les comprends très bien. Mais évidemment, et c'est toujours la même histoire, il y a toujours la famille, la tradition, le passé, l'avenir. Il faut pas quand même partir en folie dans tous les sens. C'est pas possible, malheureusement. Et de nos jours surtout, où le monde est tellement rempli. Jadis, on pouvait se permettre des escapades, mais il y avait moins... D'abord, il n'y avait pas la presse qui répétait tout ce qu'on faisait. Oui. Ça, c'était un grand avantage que nous n'avons plus. Il faut faire horriblement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Parce Et puis que vous êtes dangereusement observé. Ben voilà. Chaque faux pas, hein, ça compte. Hein. Justement, alors ça, c'est ça ce qui est terrible. Parce qu'avant, on pouvait se permettre d'être original. Tandis qu'aujourd'hui, quand on est original, on vous traite de fou tout de suite. Et également, si vous n'aviez pas été la comtesse de Paris, si vous n'aviez pas eu la presse, auriez-vous, pour une première expérience d'écrivain, vendu 150 000 ou 160 000 exemplaires ? Oui, mais ça, vous avez raison. Là, vous avez raison. Oui, c'est, en effet, j'y ai pensé et je me suis dit que c'est pas très juste. Vous avez dit peut-être une seule fois, et vous avez dit cela à vous-même, « Ah, si je n'étais pas princesse de France, combien je serais tranquille et combien je serais heureuse. » Ah non, ça je ne me le suis jamais dit. Ah jamais. Ah non, je suis très heureuse comme je suis. Ah bon? Oui, très. Oui. Non, ça je ne me le suis jamais dit. Ça ne m'est même pas venu à l'idée. Il y a des moments dans la vie où quand même j'ai des inquiétudes en me demandant si justement je fais bien ce que je dois faire. Et alors là, vous allez rire. J'ai toujours des inquiétudes que mes aïeux me jugent. Ah ? Ah, ça, depuis toute petite, les tableaux. Lequel, surtout ? Alors, c'est surtout les tableaux qu'on a à la maison. Mmh. On a des tableaux d'Henri IV, de Louis-Philippe. Saint-Louis, par exemple. Non, Saint-Louis ne me gêne pas. Qui me gêne, c'est Louis-Philippe. Il a un regard si sévère. Mmh. Il a toujours l'air de dire, qu'est-ce que cette gourde va encore faire ? Tandis que Henri IV, là, non, il me plaît, parce que... Il est de chez nous, Henri IV. Oui. Mais depuis toute petite fille, quand je regardais les tableaux, que j'étais dans un salon ou dans une salle à manger, que j'allais faire une bêtise, je regardais les tableaux, j'étais un peu gênée. Et ça continue. Et souvent, je les prie. Je prie n'importe quel roi, tout d'un coup, n'importe quel personnage de l'histoire. Je dis, oh, s'il vous plaît, vous avez été dans un pétrin pareil, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça aide, je crois. Mais quand je fais quelque chose qui n'est pas très bien, je ne me sens pas fière vis-à-vis d'eux. Parce qu'au fond, ils nous ont beaucoup donné. Tout ce que nous avons, c'est grâce à eux. Enfin, vous le savez, alors, il faut les remercier. Vous savez, madame, tous les voyants, tous les astrologues, tous les Nostradamus de cette fin du XXe siècle annoncent des bouleversements dans les années qui viennent. Oui, mais il ne faut pas être très sorcier pour ça. Ah bon, vous pensez qu'ils ont raison, voilà. Ben non, dans le grand bouleversement, non. Enfin, les grosses catastrophes de Nostradamus et tout ça, je n'y crois pas trop. Mais que nous allons vers des moments fort désagréables, j'ai l'impression qu'on y va à grands pas. C'est-à-dire, vous vous dites à certains moments, nous, de France, nous, rois de France, nous reviendrons. Vous avez pensé ça. Non, ça je ne me dis pas. Je me dis que nous allons passer des moments très désagréables et qu'il faut que la famille se tienne. Oui. Parce qu'il faut qu'on s'en sorte. C'est déjà quelque chose. La suite, on verra. Lorsque vous dites la famille, c'est la vôtre ? Oui, moi, mes enfants, mes petits-enfants, ça fait déjà une cinquantaine de personnes. Mmh. Si ce n'est plus, oui, je ne sais pas très bien compter. Mais... Alors aujourd'hui, madame, à qui êtes-vous soumise ? À qui je suis soumise ? À un mari, à une famille, à une étiquette ? Ou peut-être pour la première fois à vous-même. Eh bien, je vous dirais, c'est très drôle, je ne me sens pas soumise du tout. Vous ne l'avez jamais été, non, tellement. Mais je me sens responsable, comme je vous disais. Je me sens responsable, alors évidemment, je fais attention, et cette responsabilité, finalement, me ficelle un peu, me tient, parce que, étant responsable, il ne faut pas dire... faites ce que je vous dis. Non, il faut. Oui, enfin, faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Mmh. Il faut pas dire ça. Il faut dire faites ce que je vous dis et faites ce que je fais. Ça, c'est divin. Et ça vous enlève beaucoup de liberté. Quand on sait qu'on est obligé, il faut. C'est toujours la même histoire. J'en reviens à mon histoire de mes 15 ans. C'est l'exemple. Et cet exemple ne doit pas être une hypocrisie. Ça doit venir du fond de votre cœur, de votre âme et de votre pensée. On doit en être sûr. Alors je me demande quand vous arriverez à notre propre époque pour écrire. Et là, j'espère que vous direz plein de choses comme celles que vous avez su lire aujourd'hui. Peut-être que vous irez même encore plus loin. Ça allait être terrible par rapport à notre époque. Eh bien oui, si je me mets à écrire à notre époque, alors... Vous allez bagarrer, comme vous disiez. Oui, ça vraiment. Oui. Ça, je crois que je raconterai vraiment le fin fond de ce que je pense. Qu'est-ce que c'est le fin fond ? C'est quelquefois un peu extravagant, vous savez. Vous êtes furieuse, quoi. Non, furieuse pas. Je suis souvent triste, nostalgique et souvent extravagante. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie.